Chapitre 23. Ainsi qu'il était aisé de le prévoir, ainsi que l'avait annoncé M. Verduret, l'effet de la lettre anonyme de Prosper avait été épouvantable. C'était le matin. M. André Fauvel venait de passer dans son cabinet pour ouvrir sa correspondance quotidienne. Il avait déjà brisé le cachet d'une douzaine d'enveloppes et parcouru autant de communications ou de propositions d'affaires lorsque la missive fatale lui tomba sous la main. L'écriture lui sauta aux yeux. Évidemment, elle était contrefaite, et bien qu'en sa qualité de millionnaire, il fût habitué à recevoir bon nombre de demandes ou d'injures anonymes, cette particularité le frappa, et même, il serait puéril de nier les pressentiments, lui serra le cœur. C'est d'une manière tremblante, avec la certitude absolue qu'il allait apprendre un malheur, qu'il fit sauter le cachet, qu'il déplia le papier grossier du café et qu'il lut « Cher monsieur, vous avez livré à la justice votre caissier, et vous avez bien fait puisque vous êtes certain qu'il a été infidèle. Mais si c'est lui qui a pris à votre caisse 350 000 francs, est-ce lui aussi qui a volé les diamants de Madame Fauvel, etc., etc. » Ce fut un coup de foudre pour cet homme, dont la constante prospérité avait épuisé les faveurs de la destinée, et qui, en cherchant bien dans tout son passé, n'y eut peut-être pas trouvé une larme répandue pour un malheur réel. Quoi ? Sa femme le trompait. Elle avait choisi précisément entre tous un homme vil à ce point qu'il s'était emparé des bijoux qu'elle possédait et qu'il avait abusé de son ascendant pour la contraindre à devenir complice d'un vol qui perdait un innocent. Car c'était bien là ce que disait la dénonciation anonyme. M. Fauvel fut d'abord terrassé, autant qu'un malheureux qui, au moment où il doit le moins s'y attendre, reçoit sur le crâne un coup de massue. Toutes ses idées bouleversées, tourbillonnèrent dans le vide, au hasard, comme les feuilles d'un arbre, en automne, aux premières rafales de l'ouragan. Il lui semblait qu'autour de lui n'était que ténèbres et qu'un mortel engourdissement paralysait son intelligence. Mais au bout de quelques minutes, la raison lui revint. « Quelle lâche infamie » s'écria-t-il, « quelle honteuse abomination !» Et froissant la lettre maudite, la roulant rageusement entre ses mains, il la jeta dans la cheminée, sans feu en ce moment, en murmurant « Je ne veux plus y penser. Je ne salirai pas mon imagination à ces turpitudes. » Il disait cela, bien plus, en le disant il le pensait, et cependant il ne put prendre sur lui de continuer le dépouillement de son courrier. C'est que le soupçon, pareil à ces vers imperceptibles qui se glissent dans les fruits mûrs, sans laisser de traces de leur entrée, et les gâte intérieurement, le soupçon, quand il a pénétré dans un cerveau, y grandit, s'y établit, et n'y laisse intact aucune croyance. Accoudé à son bureau, M. Fauvel réfléchissait, faisant d'inutiles efforts pour recouvrer son calme, la lucidité de son esprit. Si on disait vrai, cependant. À son anéantissement des premières minutes, la colère succédait, une de ces dangereuses colères blanches qui ôtent le libre arbitre, qui jettent un homme hors de soi, qui font commettre des crimes. « Ah » disait-il, les dents contractées par la fureur. « Si je connaissais le misérable qui a osé m'écrire, si je le tenais !» S'imaginant alors que l'écriture lui apprendrait quelque chose, il se leva et alla prendre dans les cendres le papier fatal. Il le détordit, l'ouvrit, le lissa de son mieux et le plaça sur son bureau. Il s'appliquait à étudier les caractères, concentrant toutes les forces de son intelligence sur un plein ou sur un délié, sur la forme plus ou moins habile de telle ou telle majuscule. Ceci, pensait-il, doit être l'œuvre de quelqu'un de mes employés, dont j'aurais blessé les intérêts ou l'amour-propre. À cette idée, il passait en revue son nombre personnel sans y découvrir personne capable de cette basse vengeance. Alors il se demanda où cette lettre avait été jetée à la poste, pensant que cette circonstance l'éclairerait peut-être. Il chercha l'enveloppe, la trouva et lut « Rue du cardinal Lemoine ». Ce détail ne lui apprenait aucun éclaircissement. Une fois encore, il revint à la lettre, épelant pour ainsi dire chaque mot l'un après l'autre, pesant chaque expression, analysant la contexture de toutes les phrases. On doit, c'est convenu, mépriser absolument une lettre anonyme, l'œuvre d'un lâche et n'en pas tenir compte. Que de catastrophes, pourtant, n'ont pas d'autre origine. Combien de nobles existences ont été brisées, flétries par quelques lignes qu'un misérable jetait au hasard sur le papier. Oui, on méprise la lettre anonyme, on la lance au feu, elle brûle. Mais après que la flamme a détruit le papier, le doute reste, qui, pareil à un poison subtil, se volatilise et pénètre au plus profond repli de l'âme, souillant et désorganisant les plus saintes et les plus fermes croyances. Et toujours, il en reste quelque chose. La femme, soupçonnée, même injustement, ne fût-ce qu'une heure, n'est plus la femme en qui on avait foi comme en soi-même. Le doute, quoi qu'il advienne, laisse sa trace comme la sueur des doigts à la dorure des idoles. À mesure que M. Fauvel réfléchissait, il sentait s'altérer sa confiance, si absolue, quelques minutes avant. « Non, s'écria-t-il, je ne serai plus longtemps durer ce supplice. Je vais aller montrer cette lettre à ma femme. » Il se levait, une pensée affreuse, plus aiguë qu'une pointe de fer rouge dans les chairs, le cloua sur son fauteuil. « Si l'on disait vrai, pourtant, murmura-t-il, si j'étais misérablement dupé. En me confiant à ma femme, je la mets sur ses gardes. Je m'enlève tout moyen d'investigation, je renonce à savoir jamais la vérité. » Ainsi se réalisaient toutes les présomptions de M. Verduret, ce grand analyste de la passion. Si M. Fauvel, avait-il dit, ne cède pas à l'inspiration du premier moment, s'il réfléchit, nous avons du temps devant nous. En effet, après de longues et douloureuses méditations, le banquier venait de décider qu'il surveillerait sa femme. Oui, lui, l'homme loyal et franc par excellence, il se résignait à ce rôle ignominieux du jaloux, de l'espion domestique, dont les tristes investigations l'avilissent autant et plus que celle qui en est l'objet. Lui, l'homme des violences spontanées, des colères soudaines, aussitôt apaisées, il venait de prendre la résolution de se composer un visage impassible, de recueillir une à une des preuves d'innocence ou de culpabilité, d'imposer silence à son ressentiment, de n'éclater enfin que lorsqu'il aurait pour lui l'évidence. Il avait au surplus un moyen bien simple de vérification. Les diamants de sa femme avaient été, lui écrivait-on, portés au Mont-de-Piété. Il eût été aisé de s'assurer de l'exactitude de cette assertion. Si la lettre mentait sur ce point, il n'y avait pas à tenir compte du reste. Si au contraire, elle disait vrai. M. André Fauvel en était là de ses méditations lorsqu'on vint le prévenir que le déjeuner était servi. Il s'agissait de ne pas se laisser pénétrer. Avant de sortir de son cabinet, il se regarda dans la glace. Il était si affreusement pâle qu'il se fit peur. « Manquerais-tu donc d'énergie ? » se dit-il. À table, il pensait à se maîtriser assez pour éviter toutes les questions, dont, pour la moindre des choses, l'accablait la solitude de sa femme. Même, il causa beaucoup, il dit des histoires, espérant ainsi détourner l'attention. Mais tout en parlant, il ne songeait qu'au moyen de visiter le plus tôt possible les tiroirs de sa femme sans qu'elle puisse en apercevoir. Cette idée le préoccupait à ce point qu'il ne put s'empêcher de demander à sa femme si elle sortirait ce jour-là. « Oui, répondit-elle, le temps est affreux, mais Madeleine et moi avons quelques courses pressées à faire. Et à quelle heure comptez-vous sortir ? Aussitôt après le déjeuner. » Il respira fortement, comme s'il eût été soulagé d'une terrible oppression. Dans quelques instants, il allait donc savoir à quoi s'en tenir. Or, si poignant et si intolérable était l'incertitude de cet homme infortuné, qu'il lui préférait tout, même la plus atroce réalité. Le déjeuner fini, il alluma un cigare, mais il ne resta pas dans la salle à manger comme il avait coutume de le faire. Il passa dans son cabinet, prétextant un travail urgent. Il poussa la précaution jusqu'à se faire suivre de son fils, Lucien, qu'il chargea d'une commission. Il voulait rester seul à la maison. Enfin, au bout d'une demi-heure, qui lui parut un siècle, il entendit le roulement d'une voiture sous la voûte d'entrée. Madame Fauvel et sa nièce sortaient. Sans plus attendre, il se précipita dans la chambre de sa femme et ouvrit le tiroir du chiffonnier où elle serrait ses parures. Beaucoup des écrins qu'il lui connaissait manquaient. Ceux qui restaient, il y en avait 10 ou 12, étaient vides. La lettre anonyme disait vrai. Cette certitude éclata comme un obus dans le cerveau de M. Fauvel, et cependant, « Non, balbutia-t-il, ce n'est pas possible. » Aussitôt le faux acharnement de l'angoisse, et comme si, condamné à mort, il eut l'espoir de trouver sa grâce. Il se mit à fouiller partout, à chercher dans tous les meubles, avec un certain ordre cependant, prenant bien garde de ne pas laisser de traces de ses perquisitions. Madame Fauvel, il le comprenait vaguement, pouvait avoir changé ses bijoux de place, en avoir donné quelques-uns à raccommoder ou à remonter. Rien, il ne trouvait rien. Alors il se souvint du grand bal qu'avait donné les messieurs Jean Didier. Lui, vaniteux, il avait dit à sa femme, « Pourquoi ne mets-tu pas tes diamants ?» Elle avait répondu en souriant, « À quoi bon ? Tout le monde les connaît. En n'en portant pas, je serais mieux remarqué. D'ailleurs, ils n'iraient pas avec mon costume. » Oui, elle lui avait dit cela sans se troubler, sans rougir, sans un tremblement dans la voix. Quelle impudence ! Quelle corruption se cachait donc sous ces apparences de vierge qu'elle gardait après 20 années de mariage? Mais tout à coup, dans le désarroi de ses pensées, un espoir lui vint, chétif, à peine acceptable, auquel cependant il se raccrocha comme le noyé à son épave. Ces diamants, Madame Fauvel pouvait les avoir placés dans la chambre de Madeleine. Sans réfléchir à l'odieux de ses investigations, il courut à cette chambre de jeune fille, et là, comme chez sa femme, il porta partout ses mains brutales, oubliant du respect qu'il devait à ce sanctuaire. Il ne trouva pas les diamants de Madame Fauvel, mais dans le coffre à bijoux de Madeleine, il aperçut 7 ou 8 écrins vides. Elle aussi, elle avait donné ses parures, elle savait les hontes de la maison, elle était complice. Ce dernier coup brisa le courage de Monsieur Fauvel. « Elle s'entendait pour me tromper, » murmura-t-il, « elle s'entendait. » Et anéanti, sans force, il se laissa tomber sur un fauteuil. De grosses larmes silencieuses tombaient le long de ses joues, et par moments un soupir profond soulevait sa poitrine. C'en était fait de sa vie. En un instant, l'édifice de son bonheur, de sa sécurité, de son avenir, qu'il avait mis 20 ans à élever, qu'il croyait d'une solidité à l'épreuve de tous les caprices du sort, volait en éclats, plus fragile que le verre. En apparence, rien n'était changé dans son existence. Il n'était point atteint matériellement. Les objets autour de lui restaient les mêmes, avec les mêmes aspects. Et cependant, un bouleversement était survenu, plus inouï, plus surprenant que l'interversion du jour et de la nuit. Quoi ? Valentine, la chaste jeune fille autrefois tant aimée, dont il avait acheté la possession au prix de sa fortune, Valentine, cette femme qui lui était devenue de plus en plus chère, à mesure qu'ils avaient vieilli ensemble, cette épouse, incomparable en apparence, le trahissait. Elle le trompait, elle, la mère de ses fils. Cette dernière pensée surtout révoltait tout son être jusqu'au dégoût. Ses fils, amère dérision, étaient-ils bien à lui? Celle qui maintenant, lorsque déjà des cheveux blancs argentaient ses tempes, le trompait, ne l'avait-elle pas trompé autrefois? Et non seulement il était torturé dans le présent, mais il souffrait dans le passé, payant par des angoisses inouïes de quelques minutes, des années de félicité, transporté de fureur au souvenir de certaines joies intimes, comme un homme qui tout à coup apprendrait que les vins exquis dont il s'est enivré renfermaient du poison. Car c'est ainsi. La confiance n'admet ni accommodement ni gradation, elle est ou elle n'est pas, et lui, il n'avait plus confiance. Tous les rêves, toutes les espérances de cet homme si malheureux reposaient sur l'amour de cette femme. Découvrant, à ce qu'il croyait, qu'elle était indigne de lui, il n'admettait nulle possibilité de bonheur, et il demandait à quoi bon vivre désormais et pour quelle fin. Cependant, l'état de prostration de M. Fauvel dura peu. Le feu de la colère eut vite séché ses larmes, et il se redressa, altéré de vengeance, décidé à faire payer cher son bonheur détruit. Mais il comprenait que sur ce seul indice, des diamants introuvables, il ne pouvait s'abandonner aux inspirations de son ressentiment. Heureusement, il pouvait sans peine se procurer d'autres preuves. Pour commencer, il appela son valet de chambre et lui enjoignit de ne remettre qu'à lui seul, le maître, toutes les lettres qui arriveraient à la maison. Puis, il adressa à un notaire de Saint-Rémy, son correspondant, une dépêche télégraphique détaillée par laquelle il demandait d'exacts renseignements sur la famille de Lagor et de Raoul en particulier. Enfin, se conformant au conseil de la dénonciation anonyme, il courut à la préfecture de police, espérant y trouver une biographie de Clamorant. Mais la police, c'est un bonheur pour beaucoup de gens, est discrète, comme la tombe même. Ses secrets, elle les garde pour elle seule, comme un avare garde son trésor. Il faut une injonction du parquet pour faire parler les terribles cartons verts qu'elle garde au fond d'une galerie cadenassée comme un coffre-fort. On demanda poliment à M. Fauvel quelle raison le poussait à s'informer du passé d'un citoyen français. Et comme il ne pouvait les déduire, on l'engagea à s'adresser au procureur impérial. Cette insinuation, il ne pouvait l'accepter. Il avait juré que le secret de ses infortunes resterait entre les 3 intéressés. Mortellement offensé, il voulait être le seul juge et l'exécuteur. Il rentra chez lui, plus irrité qu'à son départ, et il trouva la dépêche de Saint-Rémy répondant à la sienne. La famille de Lagor, lui disait-on, comme on l'avait dit à M. Verduret, est dans la dernière des détresses, et personne n'y connaît le sieur Raoul. Madame de Lagor n'a eu de ses mariages que des filles, etc. Cette révélation, c'était la dernière goutte d'eau qui fait verser la coupe. Le banquier pensa qu'il lui était donné de mesurer la profondeur de l'infamie de sa femme. Il voyait un raffinement de duplicité plus affreux, peut-être, que le crime lui-même. « La misérable ! S'écria-t-il, fou de douleur et de rage, la misérable. Pour voir plus librement son amant, pour ne jamais le perdre de vue, elle a osé me le présenter sous le nom d'un neveu qui n'a jamais existé. Elle a eu l'inconcevable impudeur de lui ouvrir ma maison, de le faire asseoir au foyer conjugal entre moi et nos fils. Et moi, honnête homme imbécile, mari confiant et crédule, je l'aimais, ce garçon, je lui serrais les mains, je lui prêtais mon argent. Il se représentait alors Raoul et sa femme, s'égayant à leur rendez-vous de cette débonnaireté candide, et les aiguillons de l'amour propre offensé, s'ajoutant à ces horribles déchirements, il connut le plus horrible supplice qui soit ici-bas. La mort. Il ne voyait que la mort pour punir de telles injures. Mais l'intensité même de son ressentiment lui donna la force de se feindre, de se contenir. « À mon tour de tromper les misérables, » se disait-il avec une affreuse satisfaction. Il fut ce soir-là ce qu'il était toujours. Au dîner, il plaisanta. Seulement, lorsque sur les 9 heures il vit entrer clamorant, il s'enfuit, craignant de ne pouvoir se contenir, et il rentra que très avant dans la nuit. Le lendemain, il recueillit le fruit de sa prudence. Parmi les lettres qu'à la distribution de midi lui apporta son valet de chambre, il s'en trouva une qui portait le timbre du Vésinet. Avec d'infinies précautions, il rompit le cachet et il lut « Chère tante, il est indispensable que je te voie aujourd'hui même, et je t'attends. Je te dirai quelle raison m'empêche d'aller chez toi. Raoul. Je les tiens donc, » s'écria M. Fabel, frémissant de la joie de la vengeance satisfaite. Il se croyait si bien vengé qu'ouvrant un des tiroirs de son bureau, il en tira un revolver dont il fit jouer la batterie. Certes, il se croyait seul, et cependant, il avait un témoin de ses moindres gestes. L'œil collé à la serrure, Nina Gypsy, de retour du grand archange, observait, et les gestes du banquier lui révélaient la vérité. M. Fabel avait déposé son revolver sur la cheminée, et il s'occupait à rajuster le cachet de la lettre. L'opération terminée, il sortit pour aller la reporter au concierge, ne voulant pas que sa femme sût que la missive de Raoul avait passé par ses mains. Il ne fut guère absent que 2 minutes, mais inspiré par l'imminence du danger, Gypsy eut le temps d'entrer dans le cabinet, de courir à la cheminée et d'enlever les balles du revolver. Ainsi pensait-elle, le péril du premier moment est conjuré, et M. Verduret, que je vais prévenir de ce qui se passe, par Cavaillon, aura peut-être le temps d'aviser. Elle descendit en effet, et elle a donné ses instructions au jeune commis, lui enjoignant de se confier, pour être plus sûr de réussir, à Madame Alexandre. 1 heure plus tard, Madame Fauvel s'étant habillée, demanda sa voiture et sortit. M. Fauvel, qui avait d'avance envoyé chercher un remise, s'élança sur ses traces. « Mon Dieu !» pensa Nina, « si M. Verduret n'arrive pas à temps, Madame Fauvel et Raoul sont perdus !»